Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Parce que tu as permis que cette journée te soit consacrée. Il y a eu des frères et des sœurs qui sont venus depuis le matin pour se consacrer à toi et demander un secours dans leur vie. Il est écrit dans les Saintes Écritures que tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur, tu te laisseras trouver par eux. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Réponds à la prière qui t'a été adressée ici pour que ton peuple soit consolé. Merci Seigneur pour cet après-midi. Sante Bwana juu ya magharibi. Descends encore une fois. Shuka tena mara ingine. Et parle à nos cœurs. Na useme na maro yetu. Dirige nos pensées vers le calvaire. Ongoza mawazo yetu kumsalaba. Et que le Saint-Esprit soit notre conducteur en toutes choses. Na Roho Mtakatifu akuwe mwongozi wetu mu vitu vyote. Du début à la fin soit honoré. Kumwanzo na kumwisho uheshimishwe. Au nom de Jésus-Christ. Mu jina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Dans 2 Chronique au chapitre 13. Mon mambo ya siku ya pili ma 13. Dans son verset 1 à 2. Mustari ya kwanza na ya pili. La 18e année du règne de Jéroboam, mwaka wa 18 wa utawalo wa Jéroboam, Abija régna sur Juda. Abija akatawala ku Yuda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Akatawala miaka 3 ku Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille de Riel. Mama yake aliitwa Mikaja, mwana wa Riel. De Gibea. Ba ku Gibeat. Il eut guerre entre Abidja et Jéroboam. Ba ku mvita katikati ya Abidja na Jéroboam. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu ongeze mabara kusoma ya neno yake. Tous ces temps, nous parlions de la chute de Roboam. Hii wakati yote tuko nasemea juu ya kuanguka kwa Roboam. Il y a des choses qui ont amené Roboam dans la chute. Kuko bintu vile vileta vilimuletea Roboam apate kuanguka. Ce roi qui avait marché pendant un temps avec le Seigneur, umufalme alitembeaka kwa muda pamoja na Bwana, son royaume et lui-même fut affermi, ufalme yake na yeye mwenyewe alikuwa anakankamishwa, mais après qu'il soit affermi, ce monsieur est tombé en abandonnant la loi de l'Éternel. Lakini kisha yeye kujiweka nguvu, huyu Bwana akaacha sheria ya milele. Il est tombé dans l'idolâtrie. Alianguka mkuabudu kwa masanamu. Il a épousé plusieurs femmes. Alioaka babibi ba mingi. Et il avait même 60 concubines. Na alikuwa na babala 60. Vous verrez que dans la chute de Roboam, mutaona kusema mkuanguka kwa Roboam, ce qu'il a fait abandonner la parole de Dieu et l'Éternel lui-même, kile kilimfanya aache neno ya Mungu na wa milele ya mwenyewe, il y a l'idolâtrie, vous pouvez noter, kulikuwa kuabudu kwa masanamu mnaweza kuandika. Et il y a la présence de plusieurs femmes dans son royaume. Na kulikuya kuonekana kwa banamuke ba mingi mufalme wake. Il s'est lié aussi à beaucoup de mariages mixtes. Ariungana tena mumandoa ya mingi ya mchanga. Et il fut entraîné à adorer les idoles des nations païennes. Na baka muongoza anze kuabudu ba miungu ba mataifa ya kipagano. Il a acquis beaucoup de biens et il est tombé dans l'orgueil. Alipataka mali mingi na akanguka mkiburi. De telle manière qu'il ne pouvait plus écouter les reproches venant de la part du Seigneur. Kufikia mkipimo kila sikuweza tena kushikia makemeo ya kutokea kwa milele. Nous avons vu son comportement lorsque Dieu envoya Shemaïa pour le redresser. Tuliona ali yake wakati Mungu alituma Shemaïa juenda kamukeme. Le roi Roboam a reconnu ce tort. Mfalme Roboam alitambua makosa yake. Il s'est humilié pour un temps. Alinyenyekezaka kwa wakati moya fulani. Mais il ne s'humilia pas totalement devant le Seigneur. Lakini asikujenyekezaka kabisa kabisa mbele ya Bwana. Et Dieu est venu vers lui. Na Mungu alikuja kwake. Il a pardonné ses péchés à moitié. Arurumiaka mazambi yake kwa kipande. Parce que ce monsieur s'était humilié. Juu Bwana ajinyenyekezaka. Et Dieu avait résolu de ne pas le détruire totalement par le roi d'Égypte. Na Mungu alibeba mipango, alikatala kumuua kabisa kabisa kupitia mfalme wa Misri. C'est pourquoi hier nous avons beaucoup insisté. Ndio kwa maana jana tuliweka mkazo sana. Sur l'humilité Lorsque Dieu nous reprend, yulu ya kujinyenyekeza wakati Mungu yuko natukemea. Nous vous avons dit hier, tulimionyesha jana, que Dieu est riche en miséricorde. Kusema Mungu ni mtajiri murema. Il est bon envers les pécheurs. Anekalaka mwema kubatenda zambi. Peu importe la méchanceté de quelqu'un, ijapokuwa bubaya wa mtu, si ce dernier s'humilie devant la parole de Dieu, kama ule mtu anajinyenyekeza kumbele ya neno ya Mungu, il reconnaît ses torts et se repent, anatambua makosa yake na ule mtu anatubu, Dieu est obligé d'arrêter la colère sur lui. Mungu analazimishwa kushimamisha kasirani yake yule mtu. Mais s'il reprend le mal, sasa wakati anakemea bibaya, il reprend le mal, kama anarudia à commettre le péché, anarudia tena mkuanza kutenda zambi, la colère de Dieu s'abattra certainement sur lui. Kasirani ya milele itaanguka kabisa kabisa yule ole mtu. Et vous remarquerez que Dieu a suscité des ennemis à Roboam. Na mtaona kusema Mungu alilamshaka baadui kule kwa Roboam. Entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, il y a eu une guerre jusqu'à la fin de la vie de Roboam. Katikati ya ufalme wa Yuda na ya Israel kulikuwa mvita kufikia paka mwisho wa utawala ya Roboam. Dieu ne peut jamais accorder du repos à un méchant qui abandonne sa parole. Mungu aweze kamwe kukaburia mapumziko kwa mtu mubaya yule anaachilia neno yake. Quand vous abandonnez la parole de Dieu, suivez-moi très bien. Wakati unaacha neno ya Mungu mnifuate mzuri. Vous amenez les troubles dans votre propre vie, dans votre foyer. Unaleta fujo mu maisha yako wewe peke na mjamaa yako. Et ces troubles et ces angoisses t'accompagneront jusqu'à la tombe. Ile fujo na ile mahangaiko itakuongoza paka mgulufu yako. Chacun de nous doit comprendre que nous aurons la paix aussi longtemps que nous marchons avec le Seigneur. Kila mmoja wetu anapasha kuelewa kusema tutakuwa na salama ni mpaka wakati mule tukunatembea na wa milele. Dès que vous abandonnez sa parole et vous l'abandonnez, vous-même vous invitez l'angoisse et les troubles qui vous accompagneront jusqu'à la fin de votre séjour terrestre. Wakati unamwacha Mungu na kuacha neno yake, ni wewe mwenyewe uko naalika fujo ile itakuongoza mpaka siku ile utakufa. Et Roboam s'est couché dans les troubles. Na Roboam alikufuaka mafujo. Son royaume était toujours en guerre avec ses frères. Falme yake ilikuwa kila mara mumvita na bandugu yake. C'est ainsi qu'il se coucha. Ndio mwile wakati alikufuaka. Et son fils Abijah prit le règne. Na mtoto yake Abijah akabeba ufalme. Et suivez-moi encore ce soir. Na munifuate tena imangaribi. Lorsque le fils de Roboam Abijah, wakati mtoto ya Roboam Abijah, devint roi de Juda, akakuwa mfalme wa Yuda, comme Roboam, le roi d'Israël, était en guerre avec son père, vile Roboam mfalme wa Israel alikuwa mvita na baba yake, Roboam vint attaquer les jeunes rois de Juda. Roboam akakuwa kukombanisha kijana mfalme wa Yuda, Jeroboam et le roi d'Israël. Jeroboam ni mfalme wa Israel. Roboam était le roi de Juda. Roboam alikuwa mfalme wa Yuda. Roboam était tout le temps en guerre avec Jeroboam. Roboam alikuwa kila mara mvita na Jeroboam. Quand Roboam s'endormit avec ses pères, wakati Roboam alikufa, son propre fils est devenu roi. Mtoto yake akakuwa mfalme. Jeroboam continua à faire la guerre au royaume de Juda. Jeroboam akaendelea kukombanisha ufalme wa Yuda. Il était encore un jeune homme. Alikuwa kingali kijana. Il n'avait pas d'expérience. Alikuwa bado ashakuwa na maonjo. Jéroboam était déjà un vieillard et un homme adulte dans la royauté. Jéroboam alikwisha kuwa mzee na mtu akokomea mfalme. Il avait plus d'expérience qu'Abija, fils de Roboam. Alikuwa na maonjo ya mingi kumpita huyo Abija mwana wa Roboam. Jéroboam voulait profiter de l'expérience d'Abija pour dominer le royaume de Juda. Jeroboam alipenda kufaidia mkukosa kuwa na maonjo ya ule mfalme mtoto juu apate kubeba ile ufalme. C'est ainsi qu'il y a guerre entre Abija, fils de Roboam, et Roboam, le roi d'Israël. Ndio kukakuwa sasa mvita katikati ya Abija mtoto wa Roboam pamoja na Jeroboam mfalme wa Israël. Alors que la guerre était engagée entre les deux royaumes, wakati ile mvita ilikuya katikati ile mafalme mbili, Abija considérant son inexperience, Abija akaona kukosa kuwa na maonjo kwake, et voyant le nombre de militaires qu'il avait engagé contre son frère, na mukuona bwingi baba askari bale alikombanishaka na bonduku yake. Parce que Abija, Abija, le fils de Roboam, mutoto wa Roboam, avait engagé 80 000 soldats d'élite. Aritoaka baaskari 80 000. Tandis que Jéroboam engagea 800 000 soldats d'élite. Et aritumaka 800 000 baaskari banvita. Vous voyez la proportion? Muko naona achanisho entre 80 000 soldats, katikati ya 80 000 soldats qui accompagnaient Abija, bale wanaanza kushindikiza Abija, et 800 000 na soldats qui accompagnaient Roboam et Jeroboam. Na 800 000 ya baskari wanaanza kumfuata Jeroboam. Jeroboam avait engagé 10 fois, Jeroboam alitumaka mala 10 les soldats qu'avait Abija. Baaskari kupita bale walikuwa na Abija mala 10. Et comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a annoncé. Na vile Bwana Yesu Kristo alitutangazia, Abija fut intelligent et sage. Abija akakuwa wa hekima na wa akili. Quand nous prenons Luc au chapitre 14. L'église est avec moi. Luka 14. Luc au chapitre 14. Luka 14. Dans son verset 31. Mstari ya 31. En parlant de la guerre, Jésus-Christ dit ceci. Mukusemea juu ya mvita Yesu Kristo anasema hivi. Oh, quel roi? Ao ni mfalme kani? S'il va faire la guerre avec un autre roi, kama anaenda kupigana mvita na mfalme mwingine, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à l'encontre de celui qui vient l'attaquer avec 10 000 hommes. Asiweze kuanza kuikala na kuanza kupima kama anaweza kwenda kumkombanisha na bantu 10,000. Si il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, kama ashitaweza wakati ule mfalme akingariki mbali, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Eko na mutumia balozi juu ya kulomba salama. Et c'est ce qui est arrivé exactement avec Abija. Na ndio kile kilifikia Jeroboam. Ndio kile kilimfikia kabisa kabisa na Abija kumbele ya Jeroboam. Lui qui n'avait que 80 000 soldats. Yeye alikuwa na 80 000 askari. Et son ennemi en avait 800 000 soldats d'élite. Na adui wake alikuwa na 800 000 baskari banvita. Abija, en voyant la quantité et la qualité des militaires qui accompagnaient Jéroboam, le roi d'Israël, Abija mukuona bwingi na ali ya baali baskari balanza kumuongoza Jeroboam mfalme wa Israël, il s'appuya sur l'Éternel des armées. Akategemea kwa wa milele wa majeshi. Il s'est senti faible. Akajiona kuya ashina na nguvu. Et ses yeux tournaient vers l'Éternel des armées. Na Macho yake ikamgeukia wa milele wa majeshi. Il monta sur une colline. Akapanda pa mlima. Pour parler à son ennemi, le roi d'Israël, Jéroboam. Juu apate kusema kwa adui wake mfalme wa Israel Jéroboam. Et lorsque Abija, le fils de Roboam, s'est tenu devant Jéroboam et tout Israël pour leur parler. Na wakati Abija mtoto wa Roboam alikuwa mbele ya Jéroboam juu akumwambia, il commença par appeler à Jéroboam ses fautes et ses péchés. Alianzia kwanza kumkumbusha Jéroboam makosa yake na dhambi yake. Et des choses qu'il avait commises contre l'Éternel. Na vitu vibaya bila alifanyaka ya kumkumbanisha wa milele. Abija dit à Jéroboam et à tout Israël. Abija akamwambia Jéroboam na Israël mzima. Et suivez très bien. Na mnifuate mzuri. Abija dit à Jéroboam. Abija akamwambia Jéroboam. Premièrement toi Jéroboam. Kya kwanza we Jéroboam. Tu dois savoir que la royauté appartient à toujours à la maison de David. Napasha kujua kusema ufalme inaikalaka kila mara ya kunyumba ya Daudi. Et cela se par une alliance inviolable entre la maison de David et l'Éternel des armées. Na ile ni kupitia maagano ya shipo ako kuibia katikati ya Mungu na Daudi. Soit Jéroboam qui vient m'attaquer dans ma faiblesse alors que je suis un jeune roi, tu dois comprendre cela. Wewe Jéroboam kuna kwako nikumbanisha juu niko mdhaifu nikingariki kiana mtoto unapata kuelewa ile. Moi Abija. Mi Abija. Je suis de la royauté. Niko wa mfalme. Qui vient par la maison d'Israël. Yenye kutokea kunyumba ya Israel. Et je suis dans une alliance inviolable que mon père David a traité avec l'Éternel. Na niko muagano ya shipo kuibia ile Daudi baba yangu alifanyaka na wa milele. Deuxièmement. Kya pili. Toi, Jéroboam. We, Jéroboam. Tu dois encore savoir. Napasha tena kuyua. Que tu n'es qu'un simple serviteur de Salomon. Uko tu mutumishi bule wa Salomon. Qui s'était révolté contre son maître. Ule alitombokeaka mwalimu wake. Tu dois le savoir. Napasha kuiua. Tu dois comprendre. Napasha kuelewa. Que tu n'as pas en toi le sang royal. Hauna na ndani yako damu ya kifalme. Tu es devenu roi par coïncidence et pas de simple et pas de simple et pas le simple par une simple coïncidence. Ulikuwa mfalme tu kwa kubahatisha. Des événements qui se sont déroulés. Juu ya mambo ambayo ilifikaka. En Israël. Kule ku Israël. Vous voyez. Munaona. Il lui dit cela. Anamonesha ile. Tu dois comprendre cela. Unapasha kuelewa ile. Tu étais qu'un simple serviteur. Pourquoi tu mutumishi bule? Qui s'était révolté contre son serviteur, le roi Salomon. Ule mutombokeaka mwana wake Salomon. Maintenant que tu m'as vu faible. Sasa hapa unaniona mdhaifu. Tu viens avec 800 000 militaires. Unakuja na baskari 800 000. Pour m'attaquer. Jumu ya kunikombanisha. Alors que moi, je n'ai que 400 000 militaires. Japo mimi niko na 400 000 militaires. Et troisièmement, toi tu dois savoir. Na kitu kia tatu kilo napasha kuyua wewe. Que tu veux user de la même stratégie que tu as fait avec mon père. Unapenda kufanya bukalamushi yako moyo moyo ile ulifanyaka na baba yangu. Tu avais profité de la jeunesse de mon père Roboam. Uri faidi yaka mubuyana wa baba yangu Roboam. Tu as profité de son manque d'expérience. Ulifaidi yaka wakati alikuwa shiakuya na maonjo. Tu avais rassemblé autour de toi. Ulikusanishaka kando yako. Des hommes pervers. Bantu babaya. Pour attaquer mon père lorsqu'il était encore un jeune roi. Juu mupate kukumbanisha baba yangu wakati alikuwa kingari kijana mfalme. Alors qu'il était un roi sans force. Wakati alikuwa kingari mfalme bila nguvu. C'est vrai. Ni kweli. Tu dois connaître cela et tu dois comprendre cela. Unapasha kujua hili na kuelewa. Maintenant, toi, Jéroboam, je te dis ceci. Sasa wewe Jéroboam niko nakwambia hivi. Tu ne peux pas triompher sur le royaume de Juda. Aweze kamwe kutawala mfalme wa Yuda. Avec comme appui les statues et les idoles que ton père et toi-même tu as conçu. Na masanamu yenye kuwa sa vile kitumaini kiako ambao wewe mwenyewe ulitunga na baba yako. Lorsque le roi Jéroboam, wakati mfalme Jéroboam, venait attaquer Abija, le roi d'Israël, alikuwa kumaanisha Abija mfalme wa Israel. Il s'était entièrement appuyé sur ses idoles qui n'étaient pas des dieux réels qui s'étaient fabriqués. Alikuwa shakutumainia masanamu yake yenye ikukweba Mungu babia kweli bali yeye mwenyewe alijitungia. Abijah dit à Jéroboam. Na Abijah kamwambia Jéroboam. Tu ne peux pas nous vaincre nous de la race royale. Aweze kutuina sheba mu kizazi cha kifalme. En t'appuyant sur des idoles que tu t'es fabriquées. Mukutumainia ile masanamu ile wewe mwenyewe ulijitungia. Je te rappelle encore. Na ukumbusha tena. Toi Jéroboam. Oui Jéroboam. Tu as rejeté dans ton royaume les sacrificateurs de l'Éternel. Ulikatalaka mfalme wako bakuani ba wa milele. Et tu as abandonné Dieu. Na uliachaka Mungu. Tu dois savoir que tu n'as pas Dieu. Unapasa kujua kusema hauna na Mungu. Et tu sais comment tu agis. Na uko najua namna kani uko natenda. Toi, Jéroboam. Oui, Jéroboam. Tu es accompagné de faux lévites. Uko mwenye kusindikiziwa na balawi babongo. Qui sont corrompus pour être au service de tes idoles à cause de l'argent. Bale bari kukataka milomo juu ba kwe kukaji yako ya masanamu juu ya fedha. Televis balawi bako sacrificateurs na makuani bako sont les sacrificateurs et les levites des idoles que toi-même tu t'es fait. Ni bakuani na ni balawi ba masanamu bale wewe mwenyewe ulijifanyia. Cela signifie ile maana yayo que tu n'as pas Dieu. Sema una na Mungu. Et tu n'as pas de véritable serviteur de Dieu avec toi. Na hauna na batumishi ya Mungu pamoja na wewe. Tu viens nous attaquer t'appuyant sur des faux dieux. Unakuya kutukumbanisha mkutumainia ba Mungu ba Mungu. Tu ne peux pas nous vaincre. Na uweze kama kutuwina. Ce jeune homme avait très bien parlé. Ule kiana semaka mzuri. Il a commencé d'abord par révéler les faiblesses qui se trouvaient dans le royaume d'Israël. Alianzia kwanza kuonesha udhaifu yenye kupatikana mfalme wa Israël. Pour dire à Jéroboam. Jua kumwambia Jéroboam. Que votre guerre. Vita yenu. Contre nous. Mukutukombanisha. N'aura pas de succès pour ton compte. Aita amuta wina juu ya kutuina shi. Abijah continua à dire à Jéroboam et à tout Israël. Abijah kendelea kusema na Jéroboam na Israël mzima. Tu dois savoir que Jéroboam. Unapasha kujua Jéroboam. Tu as déjà abandonné Dieu. Ushakuacha Mungu. Et ce Dieu-là que tu as abandonné. Na ule Mungu uliachilia. Est avec nous. Eko pamoja nasi. Tu dois savoir Jéroboam. Unapasha kujua Jéroboam. Ses serviteurs les lévites. Batumishi yake balawi. Les sacrificateurs que tu as chassés. Na bakuani bali ulifukusha. Dans ton royaume. Mfalme yako. Sont avec nous. Beko pamoja nasi. Et dans notre royaume. Na mfalme yetu. Ils sont au service de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Beko mukaje wa milele Mungu wa Israël. Ils ne sont pas au service des idoles. Abana kukazi ya masanamu. Ils sont au service de tout puissant. Beko kukaji ya mwenyezi. Et troisièmement, toi, Jéroboam. Na kiata tuwe Jéroboam. Tu dois savoir. Mpasha kuyua. Que nous, Israël, et nous, Juda. Chie Yuda. Et son jeune roi. Na mfalme kijana. Nous observons les commandements de l'Éternel. Tuko na angalishisha makuze wa mire. Nous avons la parole de vérité avec nous. Tuko na neno ya kweli pamoja nasi. Et nous sommes sous le sang de l'alliance. Na tuko chini ya l'Éternel. Tuko chini ya damu ya agano pamoja na wa milele. Pourquoi je te dis Jéroboam? Ndoka maana nakwambia Jéroboam. Tu n'auras pas de succès sur nous. Hautatuina hapana. Car Dieu est avec nous. Ju Mungu yuko pamoja nasi. Et ses serviteurs sont avec nous. Na watumishi wake yuko pamoja nasi. Il nous enseigne la crainte de Dieu. Wewe unatufundisha boga kwa Mungu. Et nous enseigne les voies de Dieu. Wewe unatufundisha manjia ya Mungu. Tu ne peux pas nous vaincre. Hauwezi kutuina. Kamwe. C'est vrai. Ni kweli. Il avait très bien parlé. Alisemaka mzuri. Il s'était appuyé sur Dieu. Ari tumaini yake Mungu. Il ne pouvait pas faire autre chose que ça. Ashingeweza kufanya kitu kingine isipokuwa hii tu ndio apate kukwea na maendeleo. Abija di ouvertement à Jéroboam. Abija anamwambia waziwazi Jéroboam. Toi, tu t'appuies sur les idoles. Wewe unategemea masanamu yako. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel, le Dieu vivant. Lakini sisi tuko natumainia wa milele Mungu aliye hai. Toi, tu t'appuies sur tes 800 000 chars. Wewe unatumainia kwa magari yako 800 000. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Lakini sisi tunatumainia wa milele wa majeshi. Nous n'avons pas autre chose. Tuna na kitu kingine. Sur laquelle nous sommes appuyés. Mule ambao tunatumainia. Sur l'Éternel des armées. Isipokuwa tu kwa wa milele wa majeshi. Bien-aimés frères et sœurs. Mapendwa ndugu na dada. C'est ça réellement le secret d'un véritable chrétien. Hii ndio hakika siri ya Mkristo wa vya kweli. En tant que fils et fille de Dieu. Sawa binti mwanaume na mwanamke wa Mungu. Nous devons nous appuyer entièrement sur Dieu en toutes choses si nous voulons avoir du succès. Tunapaswa kutumainia Mungu mu mambo yote kama tunapenda kuwa na maendeleo. Il n'y a jamais eu un homme, une famille, au jamaa moya, une église, au kanisa moya, un peuple, au taifa, qui s'est appuyé sur Dieu, bali walitegemeaka Mungu, et qui a été confus, na bali walipatishwaka haya, ça n'existe pas, aikala keko. Je vais vous donner un petit exemple. Napenda mipatia mfano mwa kiloko. Il n'y a pas longtemps, il y a eu cette maladie de COVID-19. Kuyakawia kulikuwa magonjwa ya COVID-19. Une maladie qui a bougé le monde entier. Magonjwa ile ilitengesha ulimwengu mzima. Regardez le comportement du président tanzanien. Tazama kujiongoza kwa rais wa Tanzania. Quand la maladie faisait terreur à tout le monde. Wakati magonjwa ilianza kuogopesha bantu wote. Les frontières étaient fermées. Ma mipaka barikwasha kuifunga. Tout le monde devait s'enfermer dans les maisons. Bantu wote barikwasha kujifungia mu manyumba. Les transports étaient arrêtés. Magari barishimamisha. Toutes les activités économiques étaient aux arrêts. Ma kazi yote ya uchumi ilisimama. Monsieur le président. Lakini ule raisi. A eu le courage. Alipata hodari. Il a manifesté sa foi et sa confiance envers Dieu. Alionekanishaka imani na matumaini yake kwa Mungu. Il dit. Akasema. Cette maladie qui vient d'apparaître. Hii magonjwa inaonekana. Nous savons d'où elle vient. Sisi tujue kule inatokea. Hatuwezi kufungia bantu wote manyumba. Hatuwezi kushimamisha mauchumi wote. Kikuwa vile inchi itaharibika. Unaona? Il a pris Dieu comme le bouclier de son pays. Alibeba Mungu akuwe sa ngabo ya inchi yake. Il a dit. Alisema. Nous n'allons pas fermer les frontières. Sisi hatuwezi kufunga mamipaka. Au ciel, kumbingu. Il y a un Dieu qui est le tout puissant, tuko Mungu mwenyezi, qui est capable de nous protéger contre cette maladie qui fait peur à tout le monde. Ulego na uwezo kuweza kutukinga kwa magonjwa kunaogopesha watu wote. En plus de cela, na yule ya ile, nous, na Tanzanie, chez ku Tanzanie, nous avons plusieurs frontières avec nos pays voisins. Tuko na mipaka ya mingi na ndugu yetu wale. Et nous sommes la porte d'entrée. Na tuko mlango ya kuingilia. Si nous fermons nos frontières, kama tunafunga mipaka yetu, nous allons tuer nos frères. Tutaua banduku yetu. Ba Congolais, Zambien, ba Zambien, Burundais, ba Burundais, Rwandais, ba Rwandais, même Ougandais, na ba Ougandais. Nous n'allons pas fermer nos frontières. Hatuwezi kufunga mipaka yetu. Il s'est appuyé sur Dieu. Ari tumaini yake Mungu. Lui-même est allé en brousse. Yeye mwenyewe alienda kumulima. Pour prier et pour jeûner. Juu ya kuomba na kufunga. Il a invité toutes les églises. Ari alika ma confiance sur Dieu et en Dieu. Batumaini paka Mungu. Il n'a pas fermé les églises. Ashifunga kama kanisa. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. Mais Dieu les a protégés. Na Mungu alibakinga. Les gens s'attendaient qu'au pire qui arriverait au Tanzanien. Bando aranza kungoja bibaya vile bisafika ku Tanzanie. Et il fut le premier à proclamer la fin de cette maladie sur son territoire. Na alikuwa wa kwanza mkutangaza mwisho wa hii magonjwa mu inchi yake. Non pas parce qu'il avait pris des comprimés. Aina juba lipeta baripata kwa kupime. Ou ils avaient pris des vaccins. Dieu les a protégés. Mungu alibakinga. Dieu les a secourus. Mungu alibasaidia. Et ils ont prouvé. Na barakikisha. Que quiconque s'appuie sur Dieu. Wote wanatumainia Mungu. Ne sera jamais confus. Asiweze kamwe kupatishwa haya. C'est ce qu'a fait ce jeune homme, ce jeune roi Abidjan. Ndio kile kilifanyaka ukiana Abidjan. Il a dit à Jéroboam. Alimwambia Jéroboam. Nous n'allons pas te craindre. Atuweze kukogopa. Parce que tu as beaucoup de chars. Juko na magari mingi. Parce que nous sommes des jeunes gens. Juishi tuko babiana. Et nous n'avons que 400 militaires. Na tuko tuna baskari 400 000 militaires. 1400. Nous nous appuyons sur Dieu. Chez tunatumainia Mungu. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. Bien-aimé, frère et sœur. Mapendwa nduku na dada. Il y a une très bonne leçon que nous apprenons ici. Kuko mafundisho mzuri ile tunajifunza hapa. En tant que fils et fille de Dieu. Sawa batoto banaume na banamke ba Mungu. Lorsque vous arrivez à un temps de difficulté. Wakati unafika pa wakati ya magumu. Vous êtes à un moment difficile Ukuma de la vie. Kati ya nguvu ya maisha. Où vous n'avez pas de solution à votre situation. Kule auna najibu kumambo ile uko nayo. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu au ciel. Kumbuka kusema kuko Mungu kumbingu. Qui donne solution à chaque problème des humains. Ule analetaka majibu kila mambo ya bantu. Et si vous vous appuyez sur lui, na kama una mtukitegamia, vous aurez du succès dans ce que vous faites. Uta ina mwile mambo kunafanya. Quand la famine vient dans votre maison, wakati njale nakuya mnyumba yako, la nudité vient dans votre maison, kukosewa kwa mavazi kunakuya mnyumba yako, la maladie vient dans votre maison, magonjwa nakuya mnyumba yako, les ennemis se lèvent contre vous, baadui bana miangeukia, appuyez-vous sur Dieu, mutegemee Mungu, vous aurez certainement du succès, utawina kabisa, et vous ne serez jamais confus, naweze kamwe kupatishwa haya. Oui, bien-aimé frère et sœur. Ndio nduku na dada mpendwa. Dans Psaume 33. Mu Mazaburi 33. Dans Psaume 33. Zaburi 33. Dans son verset 20. Mustari yake ya 22. Notre âme espère en l'Éternel. Nafsi yetu inatumainia wa milele. Il est notre secours. Et notre bouclier. Eko musada yetu na ngabo yetu. Notre âme espère en l'Éternel. Nafsi yetu inatumainia ndani ya milele. C'est lui qui est notre secours et notre bouclier. Ni ye mwenye kuya musada yetu na ngabo yetu. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendo anduku na dada. Si vous prenez Dieu comme bouclier. Kama unabeba Mungu anakuwa sanga ngabo yako. Qui peut le vaincre? nani anaweza kumuwina? Vous voyez, frère. Mnaona nduku. Dans deuxième chronique au chapitre 13. Mambo ya siku ya pili sura ya 13. Vous pouvez lire tous ces chapitres. Mnaweza kusoma yote. Mais je prends seulement le verset 18. Nabeba paka mstari ya 18. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Batoto ba Israele baka ba patisha haya mwile wakati. Et les enfants de Juda remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Na batoto ya Yudea baka wina juu baritumaini yaka wa milele Mungu wa baba yabo. Vous voyez? Naona. Malgré toutes ces paroles d'avertissement que Abidja annonce à Israël. Hata vile makalamusho yote Abidja alitangazaka kwa Israël. Comme Jéroboam était têtu. Vile Jéroboam alikuwa na kichwa nguvu. Il n'écouta pas les paroles d'Abidja. Asikushiaka maneno ya Abidja. Il attaqua Juda par derrière. Akamkombanisha Yuda kumukongo. Pour le faire tomber en embuscade. Juu apate kumuangusha mumuteko. Frère. Nduku. Comme on le disait hier. Vile tulianza kusema jana. Satan est téméraire. Shetani wari kama kama. Ses enfants aussi. Batote yake nabo. Jéroboam, comme l'avons montré. Jéroboam vile tulimionesha. Était un idolâtre têtu. Alikuwa wa kuabudu masanamu wa kichwa nguvu. Un incrédule ne tremble pas devant la parole de Dieu. Mwa kukosa kuamini ashikalake mukutetemeka kumbele ya neno ya Mungu. Un incrédule ne peut pas écouter les exhortations de la parole de Dieu. Mwa kukosa kuamini ashishiki yake makankamisho ya neno ya Mungu. Un méchant mutu mubaya ne peut pas recevoir clairement les paroles claires de Dieu. Ashiweze kama kupokea mnamo ya wazi neno ya wazi ya Mungu. Peu importe que Dieu dit. Ijapokuwa bile Mungu anaweza kusema. Il bouchera les oreilles. Atafunga paka mashikio yake. Pour accomplir le désir de son cœur. Juu atimize mania ya maro yake. C'est pourquoi frère. Ndio kwa maana nduku. Vous écoutez la parole de Dieu. Munashikia neno ya Mungu. Vous écoutez l'avertissement de la parole. Munashikia makalamusho ya neno. Mais néanmoins vous foulez cela. Hata vile muko nafinyanga ayo. Et vous continuez dans vos pensées. Na muko naendelea paka mawazo yenu. Vous prouvez suffisamment. Muko naonekanisha wajiwaji. Que vous n'avez pas de crainte de Dieu. Sema muna naboka kwa Mungu. Et vous révoltez contre Dieu. Na munatombokea Mungu. C'est seulement pour votre propre destruction. Na ni juu tu ya ole yenu mwe benyewe. L'église est avec moi. Kanisa iko pamoja na mimi. Lorsque vous refusez d'écouter la parole de Dieu. Wakati unakatala kushikia neno ya Mungu. Endurcis ton cœur. Unafunga roho yako. C'est pour votre propre destruction. Ni juu ya kuharibika kwako wewe mwenyewe. Regardez comment Abidja avait parlé à Roboam et à tout Israël. Angalia vile Abidja alisemaka na Roboam na Jeroboam na Israeli yote mzima. Mais Jeroboam qui était déjà un idolâtre animé par les mauvais esprits. Jeroboam alikuwa kuabudu masanamu na mapepo mchafu. N'a pas écouté les paroles de bon sens d'Abidja. Akushikia kama sauti mzuri ya huyu Abidja. Malgré cela, atavile, akaweka, il attaque akakumanisha, akakumanisha ufalme wa Yuda. Et comme Abidja, na vile Abidja, se sentant en sécurité, alijikutaka saa shina mukingo, quand ce dernier cria à l'Éternel, wakati huyu Bwana alilalamikia wa milele, il invoqua l'Éternel. Akaita wa milele. Il s'appuya sur l'Éternel. Akatumainia wa milele. Dieu lui donna la victoire sur Jéroboam. Mungu akamupa ushindi kule kwa Jéroboam. Jeroboam se croyait très fort. Jeroboam alaza kuajia kuseme kuna nguvu sana. Il comptait sur la multitude de chars. Alianza kutumainia kubwingi wa magari yake. Mais Dieu l'a confondu. Lakini Mungu alimpatisha kaya. Vous ne pouvez pas marcher dans le péché. Aweze kama kutembea mzambi. Et espérer des jours meilleurs. Na kutumainia mashiku mzuri. Devant vous. Kumbele yako. Non frère. Hapana nduku. Vous ne pouvez pas briser la parole de Dieu. Aweze kama kufunja neno ya Mungu. Et espérer avoir du succès dans ce que tu fais. Na utumainie kuya na maendeleo mbili kunafanya. Non frère. Hapana nduku. Quand le temps du mariage arrive, wakati ya ndoa inafika, au lieu d'épouser une chrétienne, pale pawe kuoa mkristo mwanamke, au lieu d'être épousé par un chrétien, pale pawe kuolewa na mkristo mwanamume, mais vous allez épouser une païenne, wewe unaenda kuoa mpagano, vous êtes épousé par un païen, banakuwa kwa mpagano, ne croyez jamais que vous aurez des jours heureux devant vous. Ushiwajie kama kusema utakuwa na mashiku mzuri kumbele yako. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Jeroboam a fait de mauvais calculs. Jeroboam alifanya kama calcul mubaya. Et comme Abija, dans sa faiblesse, s'était appuyé sur le Tout-Puissant. Na vile Abija mubuzaifu wake alitumaini yake kwa Mwenyezi wote. Pour honorer sa foi et sa confiance en Dieu. Juu ya kuheshimia imani na matumaini yake kwa Mungu. Dieu lui donna la victoire sur Jeroboam et sur tout Israël. Mungu akamupa ushindi kwa Jeroboam na kwa Israeli mzima. Le royaume d'Israël fut humilié. Ufalme wa Israeli bakaipatisha haya. Et 500 000 hommes de guerre fut tués dans le camp de Jeroboam. Na batu 1500 ya bapiga mvita bakakufa mungambo ya Jeroboam. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Jeroboam ne pensait pas. Jeroboam ashikwanza kuwazia. Que son endurcissement. Kusema kichwa yake nguvu. Le conduirait à son affaiblissement. Kusema itamuongoza kulekea kwake. Jeroboam n'avait jamais eu la pensée que c'est ce jeune homme Abija qui affaiblirait son royaume et qui l'affaiblirait lui-même. Ashikukua kamwe na mawazo ya kusema ni paka huyu kiana njoo atalegeshaka hiyo falme yake na kumulekesha yeye mwenyewe. Jeroboam. Na Jeroboam. Ne pensait pas dans son cœur. Kwanza kuanzia mroho yake. Son endurcissement. Kusema kitu yake nguvu. Amene Dieu à le frapper. Ili itamuleta Mungu ampate mupika. Quand Abija s'appuya sur l'Éternel. Wakati Abija alitumainia wa milele. Dieu, il donna première victoire. Mungu akamupa kwanza ushindi. 500,000 hommes, 500 militaires d'élite, 500,000 dans les rangs de Jeroboam. Baskar banvita bakabaua kungambo ya Jeroboam. Et imaginez sur 800, et sur 8,000, et sur 800,000. Angaria mbantu 800,000 soldats, 800,000 askari. Il y a eu 500,000 soldats tués. Kukakuya 500,000 baskari benye baribaua. Il fut complètement affaibli. Bakalekeshwa kabisa. Et pour l'enfoncer davantage. Najua kumutumbukiza kabisa. À cause de son incrédulité. Juu ya kutokuamini kwake. Dieu. Mungu. Frappa même Jeroboam. Akampika na Jeroboam mwenyewe. Et quand Dieu frappa Jeroboam. Na wakati Mungu alimpika Jeroboam. Il a mouru. Akakufa. Il finit par mourir. Alishia pa mkufa. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. L'endurcissement devant Dieu n'est pas une bonne chose. Kichwa nguvu kumbele ya Mungu haina kitu kizuri. L'orgueil et l'arrogance devant la parole de Dieu n'est pas une bonne chose. Kiburi na kibengo mbele ya neno ya Mungu haina kitu kizuri. Comme la Bible le dit. Vile Biblia inasema. Quand vous voyez quelqu'un. Wakati mnaona mtu. Devenir arrogant. Anakuwa wa majivuno. Comprenez que sa chute est arrivée. Mwelewe kusema kuanguka kwake kunafika. Quand vous voyez en vous de l'entêtement. Wakati unaona ndani yako unakuwa na kitu. Vis-à-vis des hommes de Dieu. Mbele ya watumishi wa Mungu. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Mbele ya neno ya Mungu. Souvenez-vous. Kumbuka. Que votre chute. Kuanguka kwako est arrivé. Kunafika. On ne se moque pas de Dieu. Ah, bah, mchekele yake Mungu. Quand Dieu parle, wakati Mungu yuko nasema, tout le monde doit craindre. Bantu bote wanapaswa kuogopa. Oui, bien-aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Mais lorsque vous faites le gros dos devant Dieu. Sasa wakati unaanza kufanya kiburi kumbele ya Mungu. Sachez seulement que vous tomberez. Yua kusema utaanguka kabisa. Dans deuxième chronique au chapitre 13, là où nous étions. Mambo ya siku ya pili 13 kule tulikuya. Commençons au verset 8. Écoutez ce que... Tuanze mstari wa 8 mshikie kile. Ce que cet homme disait. Vile huyu mtu wa Mungu anaanza kusema. Et maintenant, na sasa, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David? Unawazia kusema utawina ku ufalme wa milele yenye kuya mu kwa mtoto wa Daudi? Et vous êtes une multitude nombreuse. Na muko kikundi kya bantu ba mingi. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. Na muko kumbele yenu na ngombe wa sanamu ule Jéroboam alimfanishia sa vile Mungu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Amukatalaka na kufukusha mbali ba kohani ba wa milele batoto ya Aaron na Balawi. Ne vous êtes pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Amkujifanishia bakuani sawa bantu ba mataifa ingine yote. Quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'était point Dieu. Bote bale walikuwa nakuya na ngombe kiana na bambuzi saba walikuwa nabafanyia banakuwa bakuani. De ceux qui n'étaient point Dieu. Mobile avec quoi Mungu. Vous les avez établis sacrificateurs. Sur des idoles qui n'étaient pas de Dieu. Kubasanamu yenye abakupe ba Mungu. Mais pour nous. Sasa kwetu shie. L'Éternel est notre Dieu. Wa milele njo Mungu wetu. Et nous l'avons point abandonné. Nashi atumwachilia kamwe. Les sacrificateurs. Bakuani. Au service de l'Éternel. Sont des fils d'Aaron. Kukazi ya wa milele ni batoto ya Aruni. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Beko natumika kazi yabo. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Tuko natoa kila busubuhi na mangaribi masadaka. Nous brûlons les parfums odorifiants. Tuko nalunguza kumbele. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Tunaweka mikate ya proposition et nous allumons chaque soir les chandeliers d'or et ces lampes. Kila mangaribi, kinara, kiazabu. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Juu tuko na angarishisha maamri ya wamilele Mungu wetu. Et vous l'avez abandonné. Na mweye muriacha ayo. Vous voyez ce qui a fait la force d'Abidjan. Mbona kile fa nguvu ya Abidjan. Abidjan a gardé Dieu dans son camp. Abidjan alichunga Mungu kukambi yake. Il a gardé les hommes de Dieu véritables dans son camp. Alichunga watumishi wa Mungu babia kweli mukambi yake. Il a gardé la véritable adoration dans son camp. Alichunga kuabudu kwa bia kweli mukambi yake. Ils étaient obéissants et mettant en pratique toute la loi de l'Éternel. Barikwa batifu na mkutumikia sheria yote wa milele. Quand une église, wakati kanisa, un homme, au muntu, une famille, au jamaa, remplit ces conditions que je viens de citer, anatimiza makanuni ime natokea mkwema, comme Abidjan le remplissait, vile Abidjan litimiza, Dieu est dans l'obligation, Mungu kwa mapashwa, de lui accorder du succès, ya kumkaburia, dans tout ce qu'il entreprendra, ushindi mubiote vile ambayo kunafanya. Ça qui doit être le secret de notre foi. Il est déjà passé quoi Siri à imani yetu. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpendwa. Si nous voulons la bénédiction. Tunapenda baraka. Nous voulons la protection. Tunapenda ukingo. Nous voulons le succès de Dieu. Tunapenda kuendelea na Mungu. Gardons Dieu dans notre camp. Tuchunge Mungu kukambi yetu. Gardons l'adoration pure. Tuchunge maabudu safi. Dans notre camp. Ngambo yetu. Gardons gardons le respect. Tuchunge heshima. Envers les hommes de Dieu dans notre camp. Kubatumishi ya Mungu kungambo yetu. Mettons en pratique chaque parole de Dieu. Tutumikie neno lote ya Mungu. Le Seigneur Bwana sera dans notre camp. Atakuwa kungambo yetu. Et il nous accordera le succès. Na atatukaburia ushindi. Le succès d'un homme. Ushindi ya mtu. Le succès d'une famille. Ushindi ya jamaa. Le succès d'une église. Ushindi ya kanisa. Ne se trouve pas dans une quantité de biens matériels. Haikalage mubwingi wa bitu bya mwili. Ne se trouve pas dans une quantité d'une foule de gens. Haikalage mubwingi wa bantu. Le succès de l'église. Maendeleo ya kanisa. Le succès d'un foyer. Uina kwa jamaa. Le succès d'un homme. Maendeleo ya mtu. Se trouve en Christ. Iko ndani ya Kristo. Demeurez en Christ. Mudumu ndani ya Kristo. Vous serez toujours vainqueur. Utakuwa kila mara mshindaji. Et tous les ennemis qui viendront contre vous. Na baadhi wote watakao kumbanisha. Tous les ennemis qui se lèveront contre vous. Baadhi wote watakao kumbanisha. Seront couverts toujours de honte. Batakuwa napatishwa haya kila mara. Dieu ne peut pas décevoir. Mungu siwezi kupatishwa haya. Mwana wake, kanisa yake, peuple, taifa yake, jamaa, qui met confiance en lui. Ile ambayo kuna mtumainia. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. C'est ce que nous voulons être ce soir. Ndio kile tunapenda kuwa hii magharibi. Si nous comprenons le succès. Nous comprenons ce qui a donné le succès à Abidjan. Kama tunaelewa kile kile. Au royaume d'Israël et au royaume de Juda. Kile kile leti yaka ushindi Abidjan na ufalme wa Yuda. Regardez les mêmes choses. Tunapasa chunga vitu moya moya. Christ et Jésus-Christ est le même hier. Jésus Christ sawa sawa jana, leo et pour toujours. Hata milele. C'est vrai. Ni kweli. Il continue. Anaendelea. Il dit. Anasema. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous l'avez abandonné. Au verset 12, il continue, il dit. Voici, tazama, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous. Mungu na bakuani bake bote beko pamoja nasi. À notre tête. Mukichwa yetu. Et nous avons les trompettes retentissantes pour faire résonner contre vous. Na tuko na maparapanda ya kulalamika kumbele yenu. Enfant d'Israël. Toto ya Israël. Ne faites pas la guerre à l'Éternel. Mushikumbanishe kama wa milele. Ne faites pas Mungu wa baba yenu. Car vous n'auriez aucun succès. Ju amutakuwa kamwe na ushindi. Abija avait tout dit. Abija alisemaka byote. Il dit vous êtes aussi enfant d'Israël. Mais vous êtes des rétrogrades. Vous avez chassé Dieu au milieu de vous. Mais nous avons Dieu. Si vous nous attaquez, ce n'est pas à nous. Aina kwetu, aina shi Mungu anakumbanisha. Vous combattez Dieu. Mungu anakumbanisha Mungu. Et vous n'aurez pas du succès. Na amutawina. Ça c'est vrai frère. Ile ni kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Lorsque tu te mets en guerre, wakati unajiweka mumvita, contre un fils de Dieu, kukombanisha mtoto wa Mungu, souvenez-vous que vous êtes en guerre contre Dieu. Ukumbuke kusema uko ni mumvita na Mungu. Lorsque vous vous mettez en guerre, wakati unajiweka mumvita, contre l'église de Dieu. Lorsque vous vous mettez en guerre, wakati unajiweka mumvita, contre l'église de Dieu, kukanisa ya Mungu. Souvenez-vous Kumbuka, que vous êtes en guerre contre Dieu lui-même. Mumvita na Mungu mwenyewe. Lorsque vous commencez kati unaanza, à critiquer une sœur, kushimanga dada moya, vous critiquez un frère, unashimanga nduku moya, vous critiquez un homme de Dieu, unashimanga mutumishi wa Mungu, vous critiquez l'église de Dieu, unashimanga kanisa ya Mungu, vous ne critiquez pas un homme, au shimange mtu, vous critiquez pas des hommes, au shimange bantu, vous critiquez Dieu, uko unashimanga ni Mungu. Et vous aurez Dieu sur votre chemin. Na utakutana na Mungu munjia yako. C'est pourquoi vous voyez. Njoko maana mko naona. Comme Paul enseignait aux Corinthiens. Vile Paul alikuwa anafundisha ba Korinto. Beaucoup de gens ne discernent pas le corps de Christ. Bantu ba mingi batambua ke mwili wa Kristo. Le corps de Christ, mwili wa Kristo, ce sont ces hommes et ces femmes, ni aba banaume na banamuke, avec qui vous vivez tous les jours, balo konaishi nabo siku yote, mais qui sont nés de nouveau, lakini mekuzalika mara ya pili, benye kubatizwa na Roho Mtakatifu, en qui le Saint-Esprit a fait sa demeure, mule ambao Roho Mtakatifu anafanya makao yake. Vous commencez une guerre contre ces gens, wakati unaanza bukomvi na bale bantu, vous êtes en guerre contre Christ, uko mubukomvi na Mungu. Souvenez-vous de Paul. Mukumbuke Paulo. Pendant qu'il était Saul. Wakati alikuwa kingari Saul. Pour lui, il persécutait des hommes. Yeye alianza kuone kuna teswa ni bantu. Pour lui, il tuait les hommes. Yeye alianza kuone kuna uwa ni bantu. Il n'a jamais pensé, n'a jamais cru dans son cœur. Ashikuwa jaga muroho yake. Que Pierre, Pedro, Jean, Jacob, Étienne, Barthélemy, Philippe étaient des temples de Christ. Barikuya ni maekalu ya Kristo. Il est méprisé. Aranza ubazarau. Dans son orgueil, il est persécuté. Mukiburi yabo aranza ubateswa. Mais sur le chemin de Damas. Nje ya Damasiki. Lorsque Christ est venu le rencontrer dans la colonne de feu. Wakati Kristo alikuwa kutana naye munguzo ya moto. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes? Ana si Saul, jani unanteswa. Peut-être lui penser. Pengine aranza kuwazia. Quand il avait vu la colonne de feu, wakati alionaka nguzo ya moto, il pensait que c'était Jehovah qui était venu confirmer sa mission. Kusema ilikuwa ni Jehovah alikuja kuhakikisha kazi yake. Il ne pouvait pas s'imaginer lui, asingeza wazia yeye, kumtumisha Jehovah, alianza kuteswa Jehovah. Mais il était déçu. Kina alishanga. Lorsqu'il a appris, wakati anashikia, lorsqu'il a entendu, wakati anashikia, que celui qu'il persécutait, kumbe alianza kuteswa, c'était Christ. Ilikuwa ni Kristo. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Chaque fois que vous injuriez un chrétien, kila vous méprisez un chrétien, kuna chambula mukristu, vous maltraitez un chrétien, kuna teswa mukristu, vous combattez un chrétien, kuna kumbanisha mukristu, vous haïssez un chrétien, kuna chukia mukristu, vous critiquez un chrétien, kuna shimanga mukristu, vous méprisez un chrétien, kuna zarau mukristu. Souvenez-vous, kumbuka, que c'est Christ que vous critiquez. Ni Kristu ule uko na kritiko na sema ibaya. Vous maudissez. Ni Kristu uko na laani. Vous combattez. Ni Kristu uko na kombanisha. Wakati una laani Kristu, vous changerez. Utabadilisha. Seulement sur le fils de Dieu. Kwa watoto ya Mungu tu. La, vous changerez sur ce fils de Dieu. Utabadilisha tu mtoto wa Mungu. Cette malédiction que vous voulez sur lui en bénédiction. Ile laana yenye unapenda unamtakia itakuwa kwake baraka. Et le mal que vous voulez sur un fils ou une fille de Dieu. Na bibaya unatakia mtoto wa Mungu mwanaume au mwanamke. Vous reviendra. Bitakurudilia. Vous voyez bien mes frères. Munaona ndugu mpendwa. Parce que vous ne pouvez pas maudire. Je weze kamwe kulaani Mungu. Vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Weze kulaani kamwe kile Mungu alibariki. C'est vrai frère. Ni kweli ndugu. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Mais Jéroboam n'avait pas compris. Lakini Jéroboam hashikuelewaka kamwe. Des paroles très claires comme ça. Ma sauti ya waji hii namna. Bien-aimés frères et sœurs. Bapendwa ndugu na dada. Nous devons toujours marcher avec crainte dans la communauté. Tunapasha kila mara kutembea na boka mu makutano. Ne brisez jamais la parole de Dieu à volonté. Mushivunje kamwe neno ya Mungu kwa makusudi. On vous enseigne. Bana kufundisha. On vous avertit. Bana ukalamusha. On vous parle de la part du Seigneur. Anasema kupande wa Bwana. Vous bouchez les oreilles. Wewe unafunga masikio. Vous continuez dans votre endurcissement. Unaenda mkicho wako nguvu. Pour votre perdition. Ni juu ya kupotea kwako. Abijah était clair. Abijah alikuwa wazi. Il dit Jéroboam écoute. Anasema Jéroboam sikia. Nous avons ce Dieu-là que toi tu as abandonné. Je tuko na ule Mungu ule wewe uliacha. Nous ne sommes pas des rebelles comme toi. Nous nous sommes obéissants parce que nous mettons en pratique tes commandements. Je tuko na batomboshi sana wewe, je tuko batifu juu tuko natumikia maamri ya Mungu. Celui qui est avec nous. Ule mwenye kwa pamoja nasi. Est plus fort. Ni wangu sana. Que ceux qui sont avec toi Jéroboam. Kuliko bale beko na wewe Jéroboam. Nous avons tous les instruments de guerre. Tuko na biombo vyote vya vita. Avec nous. Pamoja nasi. Pour avoir du succès sur toi. Dieu tupate kukuina wewe. Nous avons Dieu. Tuko na Mungu. Nous avons ce sacrificateur. Tuko na bakuani bake. Nous avons la véritable adoration. Tuko na kuabudu kwa kweli. Nous avons la véritable parole. Tuko na neno ya kweli. Nous même nous obéissons. Shebenye tuko batifu. À la loi de l'Éternel. Sheria wa milele. Nous sommes plus forts que toi. Tuko na nguvu kukupita. Et vous n'aurez pas de succès. Na mwe amweze kamwe kutuina. Jéroboam le prit par derrière. Jéroboam akamuzungulikia kwa mkono. Omwe yina biskadi. Voilà. Un homme têtu. Akaenda kumtekea angalia mtu akichwa nguvu. Et ses troupes étaient en face de Juda. Na kikundi yake ilikuwa kungambo ya Yuda. Qui avait l'embuscade par derrière. Ile ilikuwa isha kumtekea kwa mkono. Ces de Juda étaient retournés. Il a combattu devant et derrière. Bale ba Yuda bale barudia bakakombana kumbele na kumkongo. Ils crièrent à l'Éternel. Bakalalamikia wa milele. Et les sacrificateurs sonnèrent de la trompette. Na bakuane bakalilisha maparapanda. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre. Bati ya Yuda bakalalamisha. Et au cri de guerre des hommes de Juda. Na malalamiko ya mvita ya bati ya Yuda. L'Éternel frappa Jéroboam. Wa milele akamupika Jéroboam. Et tout Israël devant Abijah et Juda. Na Israël yote kumbele ya Abijah. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda. Watoto ya Israël bakakimbia kumbele ya Yuda. Et Dieu les livra entre ses mains. Na Mungu akawatolea mikono yake. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. Abijah na taifa yake bakabashinda kabisa. Et 500 000 hommes élites tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Na bantu 1500 bakakufa kukaka. Les enfants d'Israël furent humiliés en cet instant. Batoto ya Israël bakapatishwa aya mwile wakati. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Na batoto ya Yuda bakawina. Mais ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Juba alitumaini yake wa milele Mungu wa baba yabo. Bien aimés frères et sœurs, pour terminer. Mapendo ndugu na dada juu kumaliza. Quand vous êtes dans une situation difficile. Wakati uko mu mambo ya nguvu. Où vous n'avez pas de solution. Mule hauna najibu. Où vous n'espérez pas avoir une solution. Mule utumainie kupata ko majibu. Criez à l'Éternel. Mulalamikie wa milele. Il a des oreilles pour entendre votre cri. Eko na mashikio ya kusikia malalamiko yako. Dieu vous donnera du succès. Na Mungu atakusaidia upate kuwina. Même s'il n'y avait pas une porte de sortie. Atama kukwe njia we kutokea. Par la foi. Kupitia imani. Que vous avez mis à l'Éternel votre Dieu. Tuleweka kwa milele Mungu wako. Dieu ouvrira une porte. Mungu atafungula mulango. Pour que vous soyez sauvés. Juu upate kuokolewa. Quand vous crierez à l'Éternel votre Dieu. Wakati utamulalamikia wa milele Mungu wako. Il répondra. Atajibu. Il est un secours. Eko musaada. Il ne manque jamais. Dans la détresse. Ile ikosaki mwakati ya mateso. Dans la maladie. Mumagonjwa. Criez à l'Éternel. Mulalamikie wa milele. Dans la souffrance. Mumateso. Criez à l'Éternel. Mulalamikie wa milele. Quand les ennemis s'élèvent contre vous. Wakati badui banalamuka juu yako. Lalamikie wa milele. Quand les choses ne marchent pas. Wakati vitu biendeke tena. Criez à l'Éternel. Lalamikie wa milele. Il vous donnera du succès. Atakusaidia upate kuweza. Le Seigneur. Vous bénissez pour ce soir. Bwana amibariki juu ya mangaribi. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Il est beau. Eko mwema. De s'appuyer sur notre Dieu. Iko mzuri kumutumainia Mungu wetu. Et nous ne serons jamais confus. Atuweze kamwe kupatishwa haya. Tous ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Bote wenye kutumainia wa milele. Ne seront jamais confus. Abaweze kamwe kupatisha haya. Même si vous n'avez pas de travail. Ataka mwana na kazi. Appuyez-vous sur l'Éternel. Tumainia wa milele. Vous aurez du succès. Utawina. Crions-nous tous ensemble. Tuombe shebote pamoja. Merci Seigneur Jésus-Christ.